Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 75. J'espère que vous allez bien. Et oui, un nouvel épisode drette là, drette rapidement. C'est good, c'est possible, car je suis de retour dans mon bureau, comme vous pouvez voir. Et puis, c'est ça, mon plus jeune il a fini son confinement de COVID. Alors, ça c'est terminé, il est retourné à l'école. Rendons grâce au Seigneur. Il est retourné voir ses amis à l'école, puis être heureux à l'école. C'est bien. Après 2 semaines de tournant en rond dans la maison, c'était pas évident. La cour est terminée chez nous aussi, donc ces travaux-là sont terminés. Je suis vraiment content. C'est propre. C'est fucking propre. Il n'y a aucune verdure. Juste du gros béton, du gros concrete. Quinte, ouais. Excuse, je regarde une notification écrite. Ok, je vais checker ça tantôt, là. Donc, c'est ça, ouais. Fait que là, on en met de la verdure, là. Mais, tu sais, comme au moins, là, j'ai fait du ménage en fin de semaine, samedi. Il restait plein de bouts de bois, pis déchets comme ça, qui étrangement, les gars de cours, ils ont pas jeté ça. Ils pensaient que je voulais garder ça, moi. Fait que j'ai utilisé l'outil qu'on appelle en Beauce un zigonneux. Mais je pense qu'ici, dans la grande région, ben, dans la grande région du restant du Québec à l'extérieur de la Beauce, on appelle ça un saw-all, une scie qui coupe tout, tu sais. Mais ici, j'ai un représentant de la construction, Joe, qui il dit que sur les chantiers, ça s'appelle ils appellent ça un saw-all. Fait que ça scie tout. Mais en Beauce, on dit un zigonneux, c'est pas mal plus. C'est fredonnant comme outil. Fait que j'ai tout coupé des planches, des bouts de 2x4, des affaires. J'ai fait un tas avec ça. Il me restait du béton aussi, toutes sortes d'affaires. Puis je suis allé domper ça à l'éco-centre et puis faire le line-up. Il y a tout le temps des line-up à l'éco-centre, mesdames et messieurs. Mais ça a été quand même vite. Et puis je suis bien content d'avoir réglé ça, surtout la fin de semaine. Là, tu sais, tu y vas en semaine, ça passe. Tu y vas, il y a personne ou très peu, juste des entrepreneurs. Mais la fin de semaine, c'est monsieur, madame, tout le monde comme moi qui veut aller domper ses cochonneries. C'est merveilleux, l'éco-centre, pareil. Il va falloir qu'on fasse une run bientôt là, du magasin puis du QG de Retro MTL parce que on a des tonnes de junk électronique qui ne sert plus à rien, t'sais, des machines mortes et tout ça. Fait que, ouais. Donc, j'ai fait ça. Je suis allé porter des vieux vélos à SOS Vélo. Du stock aux Renaissances, je suis allé changer la bonbonne de propane, on a nettoyé la cour, j'ai tout lavé les marches, là ça a fait du bien, je suis vraiment satisfait de ça. Je vais prendre une gorgée de café, j'en ai vraiment besoin. Ah, parce que je me suis couché pas tard hier, j'ai bu de la petite bière hier lundi soir parce que j'ai enregistré le... Qu'est-ce que je dis là? J'étais un petit peu poqué. J'ai écouté le 7e match du Canadien Leafs et puis nos beaux glorieux Canadiens qui glorient pas tant que ça ont gagné ce match. Et c'est pauvres Leafs, pareil. Là, il y a comme il y a toute une... autour des Maple Leafs, tu sais, il y a toute une... comme pas une mentalité, là, mais un boulet là, autour de d'être des perdants puis tout ça que les Leafs traînent dans les médias leur mettent ça sur la tête puis tout, c'est pas évident pour une équipe de, tu sais, moi je suis allé à Toronto une fois, j'adorais ça, je trouvais que c'est une très belle ville et puis on a eu du fun, il y avait plein de choses à voir, il y avait plein de beaux commerces, j'ai adoré ça. Et puis, j'ai zéro animosité par rapport à la ville de Toronto ou les Ontariens ou quoi que ce soit, tu sais. Moi, je fais juste comme être dans le hockey, tu sais. J'haïs pas Toronto, je m'en calisse, je veux juste que le Canadien gagne. Mais je dois avouer que contre Boston, des fois, là, ça dépend des joueurs hein, qu'il y a dans les équipes aussi. Il y a des joueurs vraiment... Brad Marchand, là, Milan Lucic, c'était pas les haïssaient, ces joueurs-là. J'haïs certains joueurs, mais j'haïs pas les villes, puis j'haïs pas l'organisation. Moi, j'aime tout le monde. Alors, c'est pas aucune hate envers Toronto. Mais je trouve ça triste pour eux autres de voir ça, mais bon, hein, chacun son tour, là, nos pauvres Canadiens, ils sont pas yables. Carey Price a maintenu tout ça. Fait que c'est beau à voir. Ben, là, je pense qu'on va se faire péter par les Jets, mais c'est pas grave. C'était une belle série quand même. Tu sais, l'année passée, ils ont battu les Pingouins, puis c'était vraiment pas prévu. Les pauvres pingouins aussi qui se font sortir tout le temps comme des épées. Fait que je parlerai pas plus longtemps de ça, de hockey, parce que j'ai pas l'impression que c'est votre sujet numéro un. Le hockey a fait quand même beaucoup partie de ma vie, hein, personnellement. J'ai joué au hockey de novice jusqu'à midget deuxième année. Après ça, ben, c'était la fin du secondaire. Et puis, j'ai... mon fils est en train de faire ça aussi, joue au hockey toute son enfance. Pfff. Ça coûte cher d'ailleurs, j'en reparlerai. Et puis, après ça, ben, j'ai pas joué au hockey, bien sûr, au cégep ni à l'université. Puis, j'avais joué au hockey Cosum pendant quasiment 10 ans, quelque chose de même. Là. Puis là, j'ai arrêté parce qu'on a ouvert le bar. Et puis, c'était tellement tôt le matin, là, j'étais comme, je suis pas capable de faire les deux. Être hangover puis aller jouer au hockey. Fait que j'ai pris un break. J'avais commencé à jouer au hockey sur glace avant que la COVID pogne depuis un an et demi à peu près. Puis ça me faisait du bien, tu sais, aller hockey sur glace. J'ai recommencé ça tellement longtemps après que j'ai arrêté. J'ai arrêté en secondaire 4, genre. J'ai joué une ou deux games pendant toutes ces années-là. Jusqu'à l'année passée, j'ai passé comme 20 ans pas jouer au hockey sur glace. Ben, tu sais, en équipement pis tout, là. Des vrais games, là, tu sais, ça... C'est assez demandant pour des vieux rouillés comme moi. C'est vraiment le cardio, là, tu sais. Mais après un an et demi, j'ai regagné ma shape. J'étais le meilleur joueur. J'ai commencé à faire des buts. J'étais un défenseur, tu sais. J'ai pas un bon slap shot, mais bon, je me débrouillais, tu sais. J'ai un bon sens de l'anticipation. Et puis, c'est ça. Fait que ça me manque. Là, quand il faut que je me remette en shape, là. Faut que je me remette en shape. On a installé le hamac dans le cours. Je suis juste couché sur le dos dans le hamac. Le hamac, il se balance. Si j'ai envie de dégueuler, tu sais. Ça a pas, pas d'allure. Je peux même plus me balancer ces balançoires d'enfants au parc avec mes enfants. Le cœur me lève. Quand je commence à faire des roues latérales, là, puis à forcer, là, puis à quelque chose, là, parce que, man, on est sédentaire, là, c'est dégueulasse, là. Faut que je me remette en shape, là. Je suis pas out of shape, mais je veux un meilleur cardio, là. Je veux suer, là, tu sais, je veux me donner, là, tu sais, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, puis c'est ça, là, faut que je m'organise là-dedans. Faudrait que je m'entraîne. Si je m'entraînais, là, je serais fucking balèze, là. Je serais comme... J'ai une bonne shape de base, là. Mais j'ai de la misère à m'entraîner, j'aime pas ça tant que ça, je trouve ça plate. Faudrait qu'on m'encadre là-dedans. Fait que, c'est ça, Canadien Leafs. Et puis, on va continuer le spectacle, je tire dans tous les sens. Fait que je suis content d'être de retour à mon bureau aussi, en fait, c'est ça que je voulais dire, ça fait vraiment du bien, là, une vie normale. Donc, merveilleux. Je veux prendre quelques instants pour féliciter tout d'abord les Mystérieux Étonnants, le podcast des Mystérieux Étonnants qui ont célébré leur 700e épisode hier, le 31 mai. Donc 700 épisodes, c'est pas rien, c'est assez impressionnant. J'ai connu personnellement Benoît Mercier quand on a commencé Rétro Nouveau, moi puis Bruno, en 2011. Il était déjà existant, bien sûr, à cette époque-là, les Mystérieux Étonnants. C'est un podcast de culture... c'est quoi le terme, là? Je veux pas dire un podcast de comic books, parce que c'est pas juste ça, mais c'est la culture autour de ça. T'sais. Attends un peu, je vais aller sur leur page Facebook. Hey, je suis désolé, hein, j'oublie le terme, là. Parce que dans ma tête, c'est tout le temps comic books. les Mystérieux Étonnants, about. Il n'y a rien, les gars, dans votre bio. Ah oui. Ah, il y a juste des infos basiques. Fait que c'est ça, bref. Anyway, ils sont sur la map depuis très longtemps. Ça c'est incroyable, là, tu sais, tout ce qu'ils ont fait. Et puis, quand on a commencé, moi puis Bruno, à faire Rétro Nouveau dans le temps, on était, tu sais, Bruno, il connaissait Benoît Mercier parce que Ben était à Monsieur Net un peu. Et puis, mais Bruno était à Monsieur Net depuis bien longtemps que ça. Moi, j'étais juste quelqu'un, tu sais, j'avais pas de background ou de rien fait dans l'univers jeux vidéo et tout ça. J'existais pas. Donc, c'est ça. Puis, toute la culture du podcast, tu sais, je trouve qu'elle passait beaucoup autour des Mystérieux Étonnants, puis tu sais, de leur réussite dans ce milieu-là, puis de tout ce qu'ils avaient accompli, puis la rigueur qu'ils mettaient là-dedans, le professionnalisme, là, tu sais. Fait que ils nous ont accueillis dans leur studio, c'était à la radio dans le temps, et puis on était allé là. Donc très tôt quand même dans le projet Rétro Nouveau, donc c'était très gentil de leur part. Au début de la COVID l'année passée, Ben m'aurait invité aussi sur le show pour parler un peu de ce qui se passait avec mes projets. Et puis on a fait d'autres affaires, des événements, podcast All-Star, et puis des affaires comme ça, des get-together de gens qui font du podcast, là, tu sais. Le fameux événement, je pense que c'était un podcast All-Stars, là, sur le toit de Ubisoft. C'était fourette, c'était tellement une belle soirée. C'est la première fois de ma vie, d'ailleurs, que j'avais bu de la bière IPA. Je savais pas ce que c'était, moi, dans ce temps-là, ça fait longtemps. Mais puis, j'étais pas tant dans la bière à cette époque-là. Et puis, je pense que la bière, elle provenait du brouhaha, en fait. Et puis, c'était pas ma brasserie encore. C'était brassée directement au brouhaha, probablement. Je sais pas s'ils ont un système de brassage là. En tout cas, très, très, très belle soirée. C'était un lundi soir, je pense. On était pété ben raide. On s'est saoulé la gueule. On est allé au resto. On jasait tout le monde. Et puis, le lendemain matin, je travaillais. Hey, j'étais une loque humaine au bureau. J'étais vraiment en scrap. Mais c'était vraiment un événement absolument magnifique. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Donc, écoute, ils ont fait plein d'affaires et puis je veux juste comme les féliciter encore une fois et les saluer, bien sûr. Jake Dion aussi, que j'ai connu un peu plus. Je connais pas, tu sais, comme je connais tous ces gens-là un peu, mais je suis pas nécessairement dans leur cercle premier, si je peux dire. Mais mettons en périphérie de. Et puis c'est toute une belle communauté, t'sais. Tout le monde respecte le travail, t'sais, puis l'implication de l'autre dans ce qu'il fait, que ce soit être un illustrateur du podcasting, t'sais, comme les jeux vidéo. C'est toute une belle boule de sphère de gens passionnés, t'sais, de leur sujet, dans leur projet, dans leur vie. Donc moi je trouve ça magnifique. Donc, je voulais les saluer et leur dire merci aussi pour le shout-out qu'ils ont fait à la fin de leur épisode pour Rétro Nouveau et moi-même. Donc, c'est très apprécié. J'aurais aimé faire une salutation et un remerciement un petit peu plus fluide. Je suis désolé, les mots me manquent. Je suis comme... J'étais un peu scrap. Fait que, félicitations! Et puis, parlant de d'événements, Rétro MTL a souligné son deuxième anniversaire, comme vous avez pu voir. C'était le 25 mai dernier. Donc, le magasin physique, encore une fois, je le répète, a eu 2 ans, mais on était déjà existant depuis je sais pas combien de temps avant, par exemple. Je me rappelle plus en combien de temps je me suis mis avec les gars de Retro Love, dans le fond, puis à quel moment précisément on a décidé que ça devienne Retro MTL. Mais tout ça existait avant le magasin. Mais tu sais, pour les annales, on va dire que le magasin, c'est la vraie date, dans le fond. Et puis, c'est ça. Donc, on a fait, vous avez vu le concours Game Boy. On a fait tirer un petit Game Boy. Et puis, on a fait une promo au deuxième anniversaire. Donc, 20% de rabais sur tous nos jeux usagés. C'est une formule qu'on aime bien puis qu'on applique de temps en temps au Black Friday, on le fait au Black Friday. On le fait au Boxing Day. On le fait à notre anniversaire. Puis, peut-être qu'on va le faire une autre fois dans l'année. C'est une promo qui nous permet de vendre beaucoup de choses, tu sais. Ça marche au bout, c'est très populaire. Et puis, c'est sûr que c'est moins rentable pour nous de vendre ça de même. D'un autre côté, ça permet de bouger des affaires qui normalement peut-être bougeraient moins. Il y a des gens qui en profitent pour acheter des systèmes plus chers. Ben, ça revient à bon prix, tu sais. Sauf les taxes, puis tu as un 5% de rabais additionnel. Puis pour toutes les commandes de 100$ et plus, c'est shippé gratuitement. Puis, tu sais, comme 98% des gens ont fait des commandes à 100$ et plus. Fait que dans le fond, c'est shippé gratuit, t'as 5% de rabais sur le prix normal, puis tu payes pas de taxes. En gros, c'est ça que ça donne. Et puis, c'est très bien. Donc, ben content de ça. Ça libère de l'espace en magasin. Il y a du capital qui nous revient beaucoup avec du profit. Moins de profit normalement, encore une fois, je répète, mais quand même du profit. Et puis, avec ce capital-là, on en a besoin. Il faut qu'on achète des affaires. On veut racheter une deuxième resurfaceuse, là, parce que là, on croule sous les disques. Et puis, faut une shop, là. Faut partir une chaîne de ça, là, puis que ça roule, puis qu'on puisse en faire beaucoup, là, tu sais, des centaines, là. Sauf la plus grosse machine qu'on a vue, c'est quand même 20 000 piastres, là. US, c'est un petit peu trop. Elle fait 50 disques, tu mets 50 disques, elle les fait toutes, donc clac, clac, clac. T'sais, c'est intéressant, On n'est pas big enough encore. On va se contenter d'une deuxième machine à 6000$ manuelle, tu sais, qu'on va mettre au bout de la table où est-ce qu'on on clean des disques ou je sais pas quoi, tu sais. Ou peut-être même une autre plus petite machine qu'on va mettre au magasin. Et puis celle du magasin, on va l'amener ici. Quelque chose de même. En tout cas, on réfléchit à ça. Bref, je voulais pas parler de machine, mais je voulais juste dire merci à tout le monde qui ont participé, qui ont acheté des jeux pendant cet événement deuxième anniversaire. C'est très apprécié. L'entreprise est en forme. L'entreprise est comme... c'est stimulant. C'est stimulant. Il se passe plein d'affaires. D'ailleurs, je vais revenir sur l'achat de l'immeuble. J'avais parlé de ça il y a quelques épisodes, en fait. Je prends une autre gorgée de café. On avait dit qu'on voulait tenter d'acheter l'immeuble ici. Donc, immeuble évalué à 1 million. Et puis, il est sûrement en plus déjà maintenant. Fait que le courtier nous est revenu. Finalement, les propriétaires, qui sont également ceux qui exploitent le commerce au rez-de-chaussée, n'étaient pas prêts à discuter encore parce qu'eux autres, c'est des objets liturgiques. C'est une boutique liturgique des affaires de Jésus. Et puis là, c'était Pâques. Et puis Pâques, eux autres, c'est là un Noël. Moi, j'aurais pensé que le Noël, c'est Noël, tu sais, au niveau de Dieu. Et puis que c'est très payant. Mais ça a l'air que Pâques est plus payant encore. Donc, c'était pas le temps de jaser de ça. Ils étaient occupés. Fait que là, il fallait qu'ils reviennent un mois plus tard là-dessus. Ils ont checké ça. Fait que finalement, j'ai eu des nouvelles finales pour dire que eux autres, finalement, ils sont à l'aise. Puis ils pensent pas d'un fermer boutique. Et de deux, ils pensent pas non plus déménager leur entreprise d'ici. Donc, ils sont installés, voilà. Ça veut pas dire qu'ils vendront pas l'immeuble, mais d'un autre côté, c'est ça. Eux autres, ils maintiennent leur entreprise. Puis, je pense que la COVID a secoué la dame en bas, puis ça y a fait bien peur. Puis, elle s'est dit, je suis curé, je veux plus rien savoir de ça. Mais là, les églises rouvrent, et puis les lieux de culte et tout ça. Donc, la business reprend pour eux. Et puis, j'ai vu ça. D'ailleurs, ils ont acheté des grosses statues. Ils ont mis ça partout en bas. C'est bien épeurant, hein? Et puis, c'est ça. Donc, l'immeuble, tout ça est sur pause en ce qui les concerne, eux. Et puis, voilà. Donc, en même temps, s'ils vendent l'immeuble, moi, j'ai dit au courtier, tu sais, on n'est pas à la recherche d'un investissement immobilier, nous autres. On n'achètera pas un immeuble qu'on ne peut pas occuper complètement. Donc, ça, c'est mis sur pause en ce qui concerne l'immeuble ici. On va juste continuer à rouler notre boss présentement. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'œil ouvert quand même parce que on va quand même avoir besoin de plus d'espace. Là, on a beaucoup de jeux à liquider, on a beaucoup de jeux à passer. Et puis, ça fait quand même quelques mois qu'on est ici. Là, on va pas redéménager, mais encore là. Ça nous a coûté 8000$ de peinture blanche. Là, t'sais. Beau blanc sur mon mur, là, déjà avec des traces. Donc, c'est ça, on va pas virer fou. Mais moi, vous me connaissez, ou si vous ne me connaissez pas, sachez que je garde tout le temps l'œil ouvert. Puis là, j'ai vu une bâtisse assez décrépite à vendre à côté de l'immeuble Moreau, sur la rue Moreau, là où Arcade MTL était avant, de devenir un bar. C'est comme une petite place de location de costumes ou de vêtements, là, quelque chose, un genre de petite affaire. Là. C'est délabré, c'est laid, mais ça, c'est intéressant. J'aime moins le coin, par exemple, là. Mais ça, c'est moi. Je garde tout le temps l'œil ouvert. Donc, s'il y a une opportunité qui se pointe, moi, je suis le gars d'opportunité. On verra. Mais c'est ça. Donc, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là pour l'instant en ce qui concerne RetroMTL. Puis, c'est une bonne affaire aussi parce que avec le lot de jeux qu'on a acheté dernièrement du Game Access, plus une autre personne qui nous vend beaucoup d'inventaire, puis des dépenses dont donc nos impôts qu'on paye et tout ça. On a dépensé là, presque dans les 6 chiffres en un mois. Alors, il faut, l'argent qu'on voulait mettre de côté pour acheter l'immeuble ici, il a tout passé en inventaire finalement. Fait que ça nous arrange quasiment d'une certaine façon parce qu'on l'a pu. Et puis, il faut le refaire. Alors, voilà. Donc, on a plus comme cette pression-là de dire... OK, guys, on économise, on épargne, on coupe, on fait attention. Puis, on se ramasse un chunk d'argent, puis l'année prochaine, on achète la place, là. Et puis, on n'a plus besoin de faire ça, donc ça nous enlève un poids. T'sais. Là, on va juste comme continuer à rouler nos affaires, puis ça va être bien correct. OK, c'est ça. café encore. Aussi, pour ce qui est des développements du projet bière, je vous dirais que j'ai mis ça un peu sur pause aussi pour l'instant. Moi et Seb, on avait gratté pas mal un peu partout, puis on avait trouvé des infos, des contacts, puis j'ai parlé à d'autres personnes aussi. Pour le moment, mon assiette est trop pleine, là, pour être franc. Personnellement, avec la réouverture de l'arcade, ça me prend du temps. Là, les deux dernières semaines, avec mes contrats à pêche, les affaires, puis tout, puis la COVID, puis tu sais, ça m'a jeté à terre. Tu sais, je podcastais pas non plus, je faisais pas d'épisode ici, j'avais pas le temps. Fait que j'ai vraiment pas envie de faire une dépression en me rajoutant un projet de plus à la tête. Je pense que le timing est pas bon tout de suite, là. Je garde tout le temps ça en tête, par exemple. Tu sais, ça me stimule. Moi, j'ai tout le temps ça dans ma tête. On va voir ce que ça donne. De toute façon, on va laisser le temps là, au restaurant, puis on va laisser la COVID passer. Là, je ne ferai pas de projet de bière. Ça dépend c'est quoi le projet en tant que tel autour de ça. Mais s'il est question d'infrastructure, je ne veux pas lancer de quoi dans la COVID. Là, ça ne vaudra peut-être pas la peine, là, dans le fond. Fait que, bref, tout ça est sur pause. J'y reviendrai. Et puis là, j'ai pas le temps. Je me concentre sur mes deux bébés pour commencer. Et puis, je veux vraiment que l'arcade renaisse. Là. T'sais, on a comme toute une nouvelle équipe. Et puis, il va falloir qu'on les rencontre. Il faudra qu'ils soient formés. Là, c'est super cool parce que Anouk, qui était une ancienne à l'arcade, qui, si vous êtes allé, vous l'avez sûrement déjà rencontrée. Elle a travaillé chez nous de l'ouverture jusqu'à un peu avant la COVID. Elle n'est pas partie à cause de la COVID, elle est partie parce qu'elle a fini l'école puis a commencé sa carrière. Donc, elle est vraiment cool, Anouk, sérieux. Puis ça nous a fait beaucoup de peine qu'elle s'en aille. Et puis, elle a communiqué avec nous et puis elle nous a proposé candidement, comme ça, de revenir faire quelques chiffres pour aider à former les nouveaux. T'sais. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Hugo aussi, qui était un employé à l'accueil qu'on avait. Ça faisait pas si longtemps que ça qu'il travaillait pour nous avant la COVID, mais il était là, puis il était vraiment cool. On avait fait, je me rappelle, un des derniers événements qu'on avait fait. C'était un événement par rapport au VR, tu sais. Et puis c'est lui qui avait amené son casque, puis tout le kit, tu sais. C'était cool. Là. On essayait des affaires, tu sais. On s'en allait avec autre chose avec ça, des événements VR, puis là, la COVID est arrivée. Hugo s'est trouvé autre chose, mais il s'est proposé lui aussi de venir aider une couple de chiffres pour l'accueil et tout. Donc c'est vraiment très cool. Là, t'sais. Puis dans nos nouveaux employés, je vois qu'il y a des gens très motivés là-dedans. Donc ça va vraiment être une genre de renaissance, mais ça va être une réouverture soft quand même, là, parce que zone jaune, encore une fois, ça va être comme l'année passée, tu sais. De demi-capacité dans le bar, donc dans le fond c'est la capacité qu'il y a décrit sur le permis d'alcool, mais la moitié de ça. Deux familles entre guillemets par table, et puis pas trop de déplacements, le masque et tout ça. Ça sonne plate, mais c'était quand même correct. T'sais, y avait, et on a fait des tournois de Smash l'année passée, les gens étaient respectueux, ça allait bien. T'sais. Donc ça va être encore plus le fun cette année vu que les gens sont vaccinés, ils ont moins peur. Je pense que ça va débloquer tranquillement. Et puis, j'espère que ça va aller vite parce que moi, j'ai besoin de revenus. C'est un autre point, ça. Tu sais, là, moi, présentement, je suis broke. Je suis broke ben raide. La COVID, tu sais, c'est ça. J'ai perdu des revenus annuels, quasiment la moitié de mes revenus annuels cette année que je n'ai pas eu. Et puis, la vie coûte cher, vraiment. Les taxes municipales à Montréal, c'est pas donné. Là, ça vient de rentrer. Et puis là, on a payé un notaire dans le vide, donc à cause de notre transition. Donc, tire ça dans le feu. Là, il fallait racheter les vêtements pour la deuxième année du collège privé de notre fils. Et puis là, les frais d'inscription aussi qui vont revenir de l'école. Ça, c'est cher. Et puis, jouer au hockey aussi à l'école. Fait que je commence à me dire, tabarnak, ça coûte cher. Ça coûte horriblement cher, le collège privé, avec du sport, tu sais, en plus. Donc, j'espère que c'est un bon investissement, puis que mon fils rayonnera, et puis qu'il sera intelligent et heureux et bien encadré. Parce que moi, pendant ce temps-là, vous allez me voir longtemps avec le même linge, mesdames et messieurs, parce que ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Donc, perte de revenus, grosses dépenses, tu sais, j'ai beaucoup de dépenses. La vie me coûte cher présentement, c'est correct aussi. c'est un coup à donner. Et puis, ça sera pas toujours comme ça. Ça va revenir. J'espère que l'arcade va bouncer. Et puis, j'ai besoin de ces revenus-là, là, pour être franc. Tu sais, comme là, je fais juste me maintenir. Là. J'arrive pas à mettre de l'argent de côté. J'arrive pas à me débrouiller autour de ça. Je suis pas en train de faire faillite ou quoi que ce soit. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Mais avant, au moins, j'étais capable de piler de l'argent, tu sais. Puis là, j'ai un compte projet, tu sais, dans lequel je pitche du cash. Puis là, quand j'ai de quoi, je fais quelque chose. Et ce projet-là, il a passé pas mal pour payer le Stadium Events. Vous voyez ça, c'est une opportunité qui a passé, que j'avais pas le choix de saisir. Et ça, même si on est en période COVID, puis je suis cassé, tu sais, parce que je serais pas cassé tout le temps. Et puis, quand ça va revenir à la normale, et puis que les revenus vont revenir à la normale aussi, je vais être content de ne pas avoir passé par-dessus ça. Je pense que c'est une décision intelligente. Puis je regarde le marché effervescent des jeux rétro présentement. C'est la fucking folie furieuse. Je vois les gens qui font grader leur Stadium Events, Loose et tout ça, puis qui essayent de flipper ça pour 30 000$. Et puis, moi, je garde l'œil ouvert là-dessus. Il va fort probablement le faire grader, le mien, puis il est en très bon état, du moins je trouve. J'espère que j'aurai une bonne note chez Wata si je l'envoyais. Mais j'ai bien l'intention d'envoyer ça gradé. Puis qui sait, hein? Comme je disais dans mon podcast, je l'ai payé 16 000. Si je le fais grader, ça me coûterait... D'après moi, ça me coûterait genre 800$ l'envoyer aller-retour, se faire grader. C'est la poste et surtout les assurances qui coûteraient hyper cher par rapport à ça. Donc, on va dire que je l'ai payé 17 000 avec les assurances plutôt le gossage. Et puis, de l'envoyer chez Wata, tu sais. Si jamais je reçois ça puis je vois que ça se vend 40 000$, je suis comme peut-être je le vendrais. peut-être, je sais pas. Mais pas rendu là, de toute façon, je vais le laisser mûrir. Là. C'est à ça que ça sert, hein, après tout. C'est un bibelot de grande valeur. Là, les puristes vont dire ah, les jeux, c'est fait pour être joué. C'est comme fuck you, man. Non, c'est pas tout fait pour être joué, les jeux. Parlant de jeux auxquels je ne jouerai jamais, on est rendu dans ce bout-là du spectacle. Ça me travaille, le 7 Super NES. Ça me travaille beaucoup. Et puis, j'ai ramassé deux jeux moyens dans les affaires de Retro MTL, dans un lot qui nous est arrivé. J'ai ramassé The Beauty and the Beast et puis The Addams Family. J'en ai parlé à mon dernier épisode. Donc, deux jeux qui... On dirait que ça veut dire que je commence à faire le full set. Puis là, d'y penser, ça me travaille. Je suis comme... J'ai comme envie de checker ça. Puis, tu sais, je me disais, si j'avais des sets à avoir, là, ça serait beau d'avoir NES, Super NES, Game Boy. T'sais. Parce que c'est mes trois consoles, moi. Moi, c'est ça, c'est ma vie, c'est mon enfance. Tout ce qui est Sega, ça, j'aime ça, tu sais, comme tout le monde, mais ça m'a pas touché, moi. Quand j'étais jeune, ma vie n'était pas Sega. T'sais. Moi, c'est NES, Super NES, Game Boy. Vraiment, c'était ça. C'est les trois consoles que j'ai eues. Et puis, les trois consoles que j'ai, comme, explorées puis trippées dessus. Puis, la Switch, tu sais, ça, c'est comme ma quatrième machine. Fait que, NES, Super NES, Game Boy, j'aimerais ça avoir les 7. La Switch, c'est impossible, je le veux. Je veux même pas y penser parce que c'est horrible. Là. Il y a des milliers, des variations. Je veux pas ça. Moi, Switch, je veux une belle collection de bons jeux que j'aime. Même si je les ai finis, c'est pas grave, je les garde. Ça. C'est comme une librairie, comme un livre. Là. C'est un bon livre, tu le mets dans ta bibliothèque puis tu le relis peut-être un moment donné ou non. Mais c'est comme ça que je vois ma collection Switch. Et puis sinon, Atari 2600, tu sais, comme juste comme les Activision, les Silver Label, j'ai une couple de jeux au travers dans le Texas Chainsaw Massacre, et puis Halloween, ça vaut cher, ça. Et puis, des jeux weird de même. Donc, ça, c'est vraiment des bibelots aussi, parce que j'utilise une Everdrive de toute façon, là, tu sais. Fait que ça, c'est les 5. Et puis, le 7 Super NES me travaille aussi, parce que je me dis, je veux avoir NES Super NES Game Boy. Puis là, Kevin Boily du podcast Le Chac à cassette, tu sais, je me dis comment est-ce qu'on peut appeler ça quelqu'un qui a ces trois sets-là, tu sais, c'est comme une trilogie. Là, il a sorti le terme, une grilogie, pour la grise, parce que les cassettes, c'est gris, de l'or gris. Donc, la grilogie, hein, je trouve ça magnifique, tu sais, j'ai comme envie de... J'avais pensé à un autre terme aussi, j'ai oublié. Mais la grilogie... Ah non, le gris force, c'est ça. Pas un triforce, un gris force. C'est le gris force ou la grilogie. C'est deux termes que j'aime beaucoup. Avoir un Griforce, hein, c'est, avouez que ça le fait, là, sérieux. C'est comme, je vais faire un Triforce, mais gris, tu sais. Je pense que là, ça me gosse qu'il ait trouvé ça, ce magnifique terme-là, parce que je suis comme, Chris, c'est sûr que je veux compléter ça. Parce que je suis une personne qui veut compléter les affaires. Si je complète pas le Griforce, qui c'est que je suis, moi, dans la vie? Personne. Fait que c'est ça. Donc, mais tu sais, c'est complètement en cave, les full sets, j'arrête pas de le dire, mais j'aurais de la place dans mon armoire en bas, tu sais, comme pour tout mettre ces trois sets-là. Et puis, voilà, mais ça coûte cher. Par contre, je suis propriétaire d'un magasin de jeux vidéo, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui passent entre nos pattes ici, ce qui veut dire que j'ai le first dip sur tout, puis quand quelqu'un nous vend une collection, ben là, je peux choisir, comme drette là, je pourrais aller au magasin puis ramasser, je sais pas moi, 50 jeux Super NES puis les pitcher direct dans mon set. Mais je le ferai pas de cette façon-là, je vais vraiment y aller. D'un, je suis pas pressé, comme je disais tantôt, je suis broke, fait que je vais pas virer fou avec ça. Et puis deuxièmement, je vais y aller vraiment au compte-gouttes, tu sais, comme avec ce qui rentre en magasin. Là, j'ai, mettons, depuis que le magasin est ouvert, j'ai ramassé. Là, je vais aller dans mon application de Pure Gaming. Elle s'appelle Retro Game Collector. Donc, elle contient toutes les consoles. C'est une application générale dans laquelle tu peux payer par console pour avoir les librairies de ces consoles-là. T'sais. Donc, elle est correcte. Elle n'est pas pire à utiliser. Je vais vous dire, moi, ma collection. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai ramassé ici chez Retro NTL. Des jeux qui nous ont arrivés comme ça et puis qui ont boosté ma collection sans que j'aie besoin de les acheter sur eBay ou quoi que ce soit. Three Ninjas Kickback, un jeu... Là, je vais vous dire des prix, c'est les prix qu'il y a dans l'application. Ça ressemble un peu à Price Charting, environ, fait c'est à peu près ça. 116$, je vais vous dire la valeur. Puis moi, mettons, on charge ici à Shop à peu près 50% quand on garde des jeux pour nos collections personnelles. Donc, Three Ninjas Kickback, j'ai gardé ça. Aero Fighters, ça nous a passé entre les mains ici, j'ai gardé ça. An American Tale, Fievo Goes West, un jeu à 100$ ça quand même. Beauty and the Beast que je viens de garder. Là, je vais juste vous nommer les gros. Ça fait pas de la bien bonne TV. Les trois Donkey Kong Country, voyez-vous, ils nous en passent continuellement entre les mains, puis moi, j'avais pas ça, tu sais. Alors, c'est dans les jeux que je jouerai pas, mais que je veux mettre dans mon futur full set maintenant, parce que ça fait propre, tu sais. Fire Striker, un jeu à 160$ quand même, ça a monté, ça. The Flintstones, de Treasure of Sierra Mad Rock, un jeu à 83. Ghoul Patrol, 290$. Donc, tous les jeux que je vous dis, là, ils nous ont passé entre les mains ici. Inspecteur Gadget, je voulais ça, 30$. The Jetsons, 100$. Kendo Rage, 65$. Il y en a pas mal. Legend, juste Legend, c'est un beat'em up, ça. 120$, à peu près. Marvel Super Heroes, War of the Gems, 75$. Mr. Doe, le jeu d'arcade, Mr. Doe, c'est rendu 60$ cette affaire-là, c'est assez surprenant. Quoi d'autre? Pocky and Rocky 2, Doe, voyons donc, c'est-tu rendu? C'est rendu 765$ Pocky and Rocky 2. Ça n'a pas de style d'allure, tu sais, quand je l'ai gardé, waouh, ok, ça a comme triplé ce jeu-là. C'est bien de retourner voir la valeur de vos jeux en passant. Hein? Vous allez faire un méchant saut. Ça, c'est bien. Ah, il y en a pas mal. Sonic Blastman 2. Je me rappelle pas si je l'avais. Ah non, ça, c'est moi. Ça, je l'avais déjà. Spider-Man, séparation, anxiété, 50$. C'est drôle, l'anxiété. Strike Gunner, 50$. Donc, je rappelle que tous ces jeux-là m'ont passé entre les mains ici sans que j'aie besoin de les chasser. Et puis, Turrican 2. Hein, pas rien ça, 300$. SWAT 4, ça j'ai été surpris. La personne avait juste ça avant. T'es arrivé en magasin, j'ai SWAT 4. C'est comme, ok, on l'a acheté. T'es allé direct dans ma collection, 250$. Ouais, Wild Gun, j'avais déjà ça. Fait que ça fait le tour. Fait que voilà, donc ça c'est les jeux, voyez-vous, qui nous ont passé entre les mains ici. Donc c'est pour ça que je suis un peu réticent à aller acheter, mettons, des jeux qui me manquent, qui valent cher, puis que je voudrais. Donc, mettons, Incantation, c'en est un, puis j'y joue présentement, je vais en parler à Rétro Nouveau bientôt. Incantation, c'est un jeu à 230-250$ environ. Muzia aussi, qui est pas si bon, mais c'est un jeu qui a monté, qui est rendu à 100$. Shin's Revenge, qui est un jeu qui vaut 100$ aussi. Et puis, c'est les trois gros jeux que j'avais mis sur ma wishlist avant de décider de peut-être faire un full set. Donc voilà, donc ces jeux-là, je vais pas les acheter sur eBay parce que je veux pas les payer full price. Puis peut-être, si je suis chanceux, ils vont me passer ici chez Retro NTL. T'sais, il nous est passé un Donkey Kong Country Weekend, puis on l'a vendu. Et puis, on a un Star Fox Weekend présentement. On vous l'a peut-être pas dit encore parce qu'on le laisse mûrir, mais on a ça. Donc, voilà. Donc, si je regarde dans ce qui reste, OK? Donc, pour un full set Super NES, là, je ne sais pas combien il y a de jeux précisément. Je sais qu'il y a des, tu sais, tous les jeux spéciaux, là, Star Fox, tout ça, là, on les compte pas. On m'a dit qu'il fallait pas compter non plus le jeu le Exertainment Mountain Bike Rally Speed Racer, le duo. Il paraît qu'il était pas... Il n'est pas dans le set officiel, celui-là, à ce qu'on m'a dit. C'est le jeu le plus cher qui me manque, à 1900. Donc, ça a l'air à ça. Sinon, présentement, mon application dit qu'il y a 724 jeux. Et j'en possède seulement 176. Donc, ça vaut... Il y a tellement de marde. Il y a tellement de marde au Super NES. C'est ça qui est un peu déprimant. Donc, mettons qu'on compte pas le jeu de Mountain Bike Speed Racer, je viens de vous dire. Le deuxième plus cher qui me manque, c'est Harvest Moon à 416. Après ça, Bronchi de Bronchiosaurus à 300$. Zero de Kamikaze Squirrel 250. Ogre Battle 230. Ça l'a monté, ça. Incantation 230. Lufia 2 220. Super Copa 200. The Hurricanes, un jeu de soccer de Konami. C'est lui qui est de Konami? US Gold, ouais, hein? C'est peut-être pas. Ah non, c'est l'autre. Donc, The Hurricanes, 166. Syndicate, 161. Ça a monté, ce jeu-là. Ça, c'était de la merde. On n'aimait pas ça, avoir ça, je me rappelle. Là, non, ça se vendait pas. International Superstar Soccer, ça, c'est le jeu de Konami. 140, un jeu de soccer. Bien sûr, ils disent soccer dans le titre. Hein. SOS, il y a deux jeux de SOS. Je pense que c'est fucké, ça. C'est genre, faut que tu te sauves d'un bateau qui coule. Et puis, 140 ici. Et puis, il y en a un autre, SOS Sink or Swim. Puis, je pense que c'est pas mal la même affaire. Il y en a un qui est publié par Victokai, l'autre le plus cher. Puis, l'autre est publié par Titus, qui est un style développeur de marde que j'aime pas. Mais bon. Publisher, publié, excusez. Opération Thunderbolt, 130. Robotrek, 124. Breath of Fire 2, 122. Ren and Stimpy de Buckaroos, 122. De Mask, ça j'aurais peut-être dû le garder ça quand il nous a passé entre les mains dans le dernier lot, mais je pense que je ne l'ai pas gardé parce qu'il était scrap. Il s'est vendu tout seul. Donc il y en a d'autres qui essayent de faire un full set quelque part. Metal Marines, 120. 116. Joey Mac 2, 112. RD Lightfoot, 110. Home Improvement, ça l'a monté ça. 108. Sink or, SOS Sink or Swim. Lufia, Mr. Nuts, Shin's Revenge, Lost Vikings 2, là c'est tout 100$ à peu près. Shadowrun, Casper, Muzia, Paki and Marlon. Ça c'est des jeux fuckés où est-ce que au Super NES il y a des jeux sur l'asthme et puis sur le diabète et puis une autre maladie, là, un autre problème comme ça. Donc ils ont fait des jeux pour sensibiliser les jeunes, tu sais, puis qui apprennent à vivre avec ça. Biker Mice from Mars, ça j'aimerais savoir ça, 90. Rex Ronant. Ah, c'en est un, ça. Lui, expérimental, ouais, Rex Ronan, lui aussi, il a des maladies. Là. Faut le guérir. 87. Tecmo Super Bowl 2. Surprenant. 80. Super Bunk, Capitaine Novolin. Fait que là, on est dans le range là, des jeux à 80$. 50$. Sonic Black. Aerobiz Supersonic, 50$. Brain Lord. Doom Trooper, j'aimerais savoir ça. Ignition Factor rendu à 50$. Natsume Championship Wrestling rendu à 50$. Tous des jeux à 50$. Là, c'est 40$. 40$, Illusion of Gaia, Street Racer, Spanky's Quest, Equinox, Aerobiz, je l'ai dit tantôt, Lemmings 2, ces genres d'affaires-là. Là, dans le 30$, Boston Move, Joe & Mac, Pack and Time, Wizard of Oz, Adam's Family, ça je l'ai gardé. The Brainies, encore un jeu publié par Titus. Ease 3, Wanderers from Ease. Bazooka Blitzkrieg, si tu veux jouer avec ton Super Scope. On est tous à les 30$ maintenant. Comment ça, Mario Paint, 30$? Oh, fuck you. Ça, ça vaut rien. Là, on est à 30$ pour des jeux de guenilles. The Blues Brothers, Wiz, Carmen Sandiego, Beavis and Butthead, Choplifter 3, Eek the Cat, Tecmo Super Bowl, Ultimate Fighter, Black Bassin, Black Bass Fishing with Hank Parker, 27$. Mighty Morphin Power Rangers, The Fighting Edition, j'aimerais savoir ça. Q-Bird 3, là on est dans le 27$. Vous voyez la marde là? La marde à 30$ est là. Le Mortal Kombat, 25$. Prince of Persia, 25$. Steel Talons, 25$. Mortal Kombat 3, Spawn, 25$, 25$. Là, dans les... là, je descends. Là, il y en a à 20$. Là, il y en a des jeux à 20$. Là. Cool World, EA College Football 97, Flintstones The Movie, All Kawasaki Superbike Challenge. Puis là, là c'est un cauchemar là, à partir de là jusqu'à la fin. Là. Dans 12$, Jungle Book, Pro Sport Hockey, D-Force, FIFA 96, Tasmania. Là, c'est 9$, 10$, 10$, 10$. Et le jeu qui vaut 1$. Il y a les jeux qui valent 1$ dans mon application. Sports Illustrated Championship Football and Baseball. Roger Clément MVP Baseball. NHL PA Hockey 93. Stanley Cup. NHL Stanley Cup. Ça, je pourrais l'avoir tout de suite si je voulais. Je vais au magasin, je l'achète. NFL Quarterback. On a 30. NFL Quarterback Club 96. NCAA Basketball. Madden NFL 95. Madden NFL 93. Championship Pool. Ensuite, les jeux à 3$ arrivent avec Wheel of Fortune Deluxe Edition. Donc, Remaining, comment ça me coûterait d'après mon application? Ça, ils le disent pas, par exemple. Donc, vous voyez le défi un peu. Je voulais juste vous dropper, je vous ai pitché des infos de même. Je vais m'étirer. Donc, c'est ça. Ce que je vais faire, je vais y aller doucement en regardant ce qui passe entre nos mains ici. Si à un moment donné, je vais dans une convention et puis que, je sais pas, moi, ça va reprendre, ça, là, là puis que j'ai une opportunité, mettons, dans mes remaining, là, mettons, il me passe entre les mains, je vais retourner au début, là. Mettons, ici, Harvest Moon, mettons, il est à 420, et puis je sais pas, moi, je vois quelque part quelqu'un là à 350, quelque chose de même, ben, je vais l'acheter, tu sais, rien que pour mettre ça dans le set. Et puis, je vais y aller de même, mais je vais pas acheter full price rien pour l'instant. Tu sais, dans le fond, je vais vous dire ma collection présentement, ce que j'ai dedans, c'est pas de la merde, là, tu sais. J'ai beaucoup de CIB, par exemple, ça booste la valeur, mais je vais sorter ça par value. OK. Oups, pas ascending. Mon jeu qui vaut le moins cher, c'est Zoop. C'est cool, Zoop. Arrêtez de chier sur Zoop. Donc, c'est Haganey, bien sûr, qui est rendu à 1400$. Hein. Moi, c'était 900$ dans le temps que j'ai dealé ce jeu-là. Aero Fighters à 1000$. Pokken Rocky 2 à 766$. Ça, j'en reviens toujours pas. Là. Final Fight Guy, 507$. Earthbound, ça, là, c'est un indicateur du marché. Hein. Earthbound est rendu à 490$, bientôt 500$. Ça, c'est assez incroyable. Là. Castlevania Dracula X, je l'ai complet en boîte. Ça, c'est rendu à 1000 complet en boîte. Mais mettons juste le cart. Eux autres, ils mettent ça à 430. Mega Man X3, 982. Pas mal le même prix que Castlevania, ça. J'ai ça. Metal Warriors, 400$. Evo a monté aussi, rendu à 400$. Wild Guns, 300. Chrono complet ici, 1045. Ça a monté aussi. Ghoul Patrol, Super Turrican 2, Sonic Blastman 2, Ninja Gaiden Trilogy, Demon's Crest complet. C'est un peu ma collection, ça. Donc, j'ai des gros titres, tu sais, quand même, là. C'est fait, là. Tu sais, j'ai agané, je l'ai tradé pour un Flintstones, fait que je l'ai payé genre 800. Puis là, il vaut qu'il y a plusieurs centaines de plus, donc c'est intéressant. Et puis, est-ce qu'on devrait vendre nos collections présentement? Ça serait un sujet complet pour un autre podcast. mais c'est pas mon objectif du tout, à moins d'être complètement mal pris, je vais vendre des affaires, mais c'est pas ça que je vise. Fait que c'est ça qui se passe un peu dans la folie du Super NES. Je vous tiens au courant là-dessus, là, tu sais, mais je virerais pas fou comme le Game Boy. Tu sais, le Game Boy, j'étais comme, on règle ça, tu sais, j'étais focus là-dessus, puis j'ai acheté les gros morceaux sur eBay qui me manquaient, puis tu sais, j'ai acheté même des collections complètes à des dudes là, aux États-Unis, que j'ai reflippé, puis tu sais, comme, j'ai mis beaucoup de cash là-dedans, et puis j'ai fait ça vite et bien quand même. Mais j'ai réglé ça, puis tout est propre, mais là, je pour le Super NES, c'est trop. Tu sais, j'achèterais pas 20 000$ la collection d'un gars, tu sais, pour garder les jeux, puis j'ai pas les moyens, puis ça me tente pas. C'est beaucoup de gestion, pour vrai, là. Avoir un gris force, ça... Là, je suis tellement focus dans le NES, présentement, à faire des upgrades, à sortir tous les jeux canadiens de ma collection, tu sais, puis à gérer ça. Vous avez vu mon magnifique upgrade de Castlevania, la boîte. Je vais en parler là, de ça. Fait que c'est ça. Puis je vais finir avec le Super NES. Tu sais, tous les jeux que je vais pas acheter aucun ou garder aucun jeu en mauvais état. Parce que justement, ça me fait de l'ouvrage pour plus tard. Puis là, ça me tente pas. J'acquiers le jeu propre et puis that's it. Tu sais, je vais pas changer le bac et puis gosser là-dedans. Là. Tout ce qui s'ajoute dans ma collection Super NES à partir de maintenant est déjà propre. Parce que fuck off. Ah! Marvel War of the Gems, le label est déchiré un peu, là, je l'avoue, mais au moins ça c'est simple, t'sais, il est propre, mais le label est déchiré, je le note dans mon application. Si j'en vois un autre passer, je fais le switch. Il y a mon Spur Off-Road aussi qui est made in Mexico. Ça d'ailleurs, il n'y a pas de français, anglais au Super NES, ou peut-être de canadien US au Super NES, ou peut-être 2-3, mais il y a beaucoup de made in Mexico qui sont des second print, ça j'en veux aucun. Je sais que mon chrono il l'est par exemple, il me semble. Donc je vais peut-être le garder comme ça, tu sais. Mais idéalement, ben faudra que je me renseigne. Voyez-vous la gestion encore? Est-ce que tous les jeux qui ont Made in Mexico ont une version Made in Japan d'abord? Parce que les labels Made in Mexico sont dégueulasses, tu sais. Sont cheap. Donc c'est très, ou c'est juste les late release comme Mega Man X3 sont juste made in Mexico. Falloir que je me renseigne là-dessus, parce que j'en ai des Mexico. Mais mon Spur Off-Road est un Mexico, puis ça il existe, un Japan de ça, puis il est dégueulasse, tu sais, ces gens-là. Puis mon Top Gear 3000 aussi, j'arrive pas à avoir des jeux propres de ces deux jeux communs-là, j'y arrive juste pas, c'est bizarre. Fait que c'est des petites choses, mais je veux pas me casser la tête avec ça, je veux des jeux déjà propres. Ainsi, ma collection est propre. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. À défaut de continuer de collectionner n'importe quoi, je préfère continuer de chasser la propreté dans mon propre set. Fait comme ça, je regarde mon mur de cassette, je me dis, tout ça est tight. T'sais, moi, ça me rend heureux, ça. Puis, je vais finir avec Castlevania. En effet, vous avez vu, j'ai acheté une boîte. En fait, j'ai acheté un jeu complet en boîte sur la page, sur le CCJVQ sur Facebook. La personne avait un Castlevania complet en boîte à vendre, t'sais. Il y avait une photo du cover, t'sais. Fait que je dis, peux-tu m'envoyer d'autres photos? Parce que moi, vous avez vu sur ma page Facebook que j'avais le 5 Screw. Le premier print de Castlevania, je répète encore une fois, c'est un 5 Screw, bien sûr, il y a 5 vis à l'arrière. Et puis sur la tranche, sur le dessus, là, c'est plat, je ne l'ai pas, le logo Konami. Oui, je l'ai, attendez. Ben, j'ai pas le first print, mais j'ai un Castlevania ici. Donc ça, c'est 5 Screw. Attendez. Ici, vous voyez mon Rollerblade Racer. Voyez sur le dessus, là. Hey, attendez. Je suis tout en train de vous mélanger. Ben, hein. On change. Ah non, ça marche pas. J'ai pas de 5 Screw ici. Je suis désolé. 5 Screw, il y a 5 vis en arrière. Et puis ici, là, il n'y a pas ça, là, ces petites clips-là. Là. Donc ces clips-là remplacent 2 vis. Vis qu'il y avait là et là. Donc il n'y a plus ces vis-là. Mais à l'origine, il y avait 5 vis. Donc les plus vieux jeux NES, ils ont 5 vis. Et puis Castlevania, il y a une version 5 vis comme ça. Et il y a une autre version aussi, où est-ce que, qui est le vrai premier print, où est-ce que le logo Castlevania ici dépasse sur le devant, là. Et puis, il y a un repeat du logo Konami aussi. Donc, allez voir ma page Instagram, Facebook. J'ai déjà publié des images de ça. Donc, j'avais ce cart-là. premier print qui vaut pas nécessairement 6 temps en plus, sauf si quelqu'un veut vraiment ça, tu sais. Mais la boîte, c'est ça, le gars, il m'envoie des photos de son complet en boîte. Là, il m'envoie des photos du bac, je suis comme... C'est la boîte. C'est la boîte avec le hang tab, donc en carton, pas détaché, qui est encore dans la boîte, tu sais. Puis son cart, c'était exactement, en fait, ce cart-là, qui est un 3 screws, c'est le troisième print, ça, avec un logo, un seal Nintendo ovale. Donc la boîte, le jeu fitait pas partout avec la boîte. Le livret, c'est le même pour toutes les éditions, donc ça, c'est bien. J'avais déjà un livret propre, le sien était pas beau. Fait que dans le fond, j'ai payé 240$ pour juste vouloir la boîte. J'avais déjà un Castlevania complet en boîte de du troisième print, tu sais. Mais idéalement, bien sûr, en tant que collectionneur, je veux un complet de la première boîte. Et puis, c'est vraiment fait maintenant. Je suis comme tombé là-dessus. Donc, je suis vraiment content. Puis la boîte, sérieuse, est belle, là. T'sais, oui, il y a des petits défauts, là. Puis mon cart aussi a des petits défauts. Mais je suis très capable de passer par-dessus ça. Donc, c'est comme... C'est devenu une belle pièce, ma collection. Anyway, j'ai déjà tout posté ça sur Facebook, là. Vous pouvez retourner sur mon Facebook, puis scroller back, aller lire un peu là-dessus. Donc, je m'attendais vraiment pas à ça, de trouver ça drette de même. Le gars m'a shippé ça. Ça a pris 2 jours, c'était réglé. Je suis comme, wow! Des fois, la vie est belle. La vie de collectionneur est belle. Fait que je vais vous laisser là-dessus, les amis. Je voulais aussi, je joue quand même ces temps-ci. J'ai joué à Blackbird sur Switch et puis j'ai terminé Carry On. Je vais peut-être garder ça pour un prochain épisode. Oh, je m'étire encore. Parce que je joue à des choses. Il y a des choses qui arrivent. Ah. Il y a plein de jeux, puis c'est ça, je manque de temps un peu. Je joue à Scott Pilgrim. Je me suis starté une game de River City Ransom, Skater Die 2 au NES. Je travaille là-dessus, j'ai ma game de G.I. Joe. Je prends pas le temps de finir. J'ai essayé des jeux portables. J'ai fini Felix the Cat au Game Boy. Je gratte plein d'affaires présentement. Je joue à Incantation, Super NES. Scott Pilgrim, je continue un peu. Je commence à me tanner, pour être franc. Il y a des jeux Switch qui arrivent là aussi, puis je vais me mettre là-dessus. Wonder Boy, Asha World, je sais pas quoi, le nouveau Wonder Boy, ça, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Mon fils aussi. J'ai reçu un autre jeu Switch, Downwell. Je vous montrerai sur ma page Facebook. Bref, je joue beaucoup, mais c'est pas focus, tu sais. Alors, c'est ça. Mais là, c'est assez pour aujourd'hui. Le spectacle a assez duré. Donc, je vais aller frotter des cassettes, répondre à des emails et faire tout ça. Merci à tous d'avoir été là. Ce fut un plaisir. Et puis, suivez mes pages Facebook. Merci au Patreon. C'est très, très, très apprécié encore une fois. Et puis, on se reparle très bientôt. Bye!